rien à faire d'autre que de jouer aux jeux vidéo. Mater un DVD ou des émissions mythos. Sans Dorothée, les frères se font chier de plus en plus tôt. Y'a rien à faire d'autre, chier. Laisse-moi rejoindre mes potos dans le MP3. Beaucoup de mecs qui rappent en colère, tous battent sur vête, suite à capuche gap en polaire. Chacun avec son joint, sa bière ou son jus, ça dépend des bulles. Y'a rien à faire d'autre que dire salut et poser son cul. Certains ils font les écus, d'autres les têtus. La rue leur a bien dit qu'elle voulait pas d'eux. Tantôt elle les péfera, dit c'est cadeau. Y'a rien à faire d'autre que croiser les badauds et voisins goût d'air parce que tout est crado. 2 heures ça gueule à cause du bruit que font les scooters. Et quand les colocs en ont marre, elles convoque nos mères, elles emmerdent les commères. Et eux ils souhaiteraient qu'on meure. Accident, vengeance ou bavure. Pendant ce temps on tient les murs, dit wesh ma sœur à leur fille. Bien ou bien. Car y'en a toujours un qui réussit à lui écarter ses quilles. En parlant de ça, t'as la dalle. Écoute, ce soir on sort avec César et Trésor. Dis nique sa mère, ce soir on sort. Va en boîte, t'auras le choix entre les petites et celles qui ont du kilomètre en bite. À qui les mecs crient toujours t'es ou rentre vite. Champion dans le titre, des problèmes quand même. J'ai dit osons, osons, la vie est courte. J'ai pas fini de jouer au con. Y'a rien à faire d'autre, on est, on meurt. Au milieu on consomme, le cul serré comme un Playmobil dans une boîte de bonshommes. Y'a rien à faire d'autre que son cinéma. Imbibé ou pas, tourné d'Henri pas. Celui qui boit, c'est celui qui conduit pas. Y'a rien à faire d'autre que de mater les meufs et dire je la baisse, c'est pas que. Rien à faire d'autre que se froisser la queue. Rouler à ragoter sur les rumeurs selon les objectifs. L'autre s'est fait péter, l'autre est pédé, l'autre sniff. Y'a rien à faire. Ouais, y'a rien à faire. Vas-y, je prends une feuille, je vais écrire. On va voir. Parler de ce putain de quotidien. Y'a rien à faire d'autre. Je me tiens bien, je me vaux. Tu devant le hall et c'est toujours de la faute de les autres. Le E900 calé sur le haut de mon lobe. Je me prends la tête. Ce soir chez qui je vais caler mon sub. La bande à poulettes à faire crier un compète. L'autre habit grave la mort jusqu'à qu'on le pète. C'est la vie du vestibule. Un slip 12 grammes près des testicules. Soda, sida, seringue, coke, meda, exta, tympu, dope. Nanterre, bois d'art, fleuri, l'os. Colal, pédave, turvois, fausse. C'est le quotidien qui nous tient ici. Y'a des gens payés au lance-pierre, d'autres au lance-missile. Y'a rien à faire d'autre, mon pote est en Australie. On se réunit autour d'une chicha pour parler ralice. Les condés tournent, on détourne leurs filles. C'est comme un manège, souvent on fait des tours de ville. Y'a rien à faire d'autre, des coups de fil de mecs en cellule. Des macs sont dans le cul, comme si c'était des gélules. Y'a rien à faire d'autre, ici c'est le pif qui régit. Ta relation sociale avec le bis des résines. C'est du fast food pour les casses. Couve, c'est un tas de douilles pour les casses. Couille, hein, la pute d'en haut appelle les keufs tous les soirs. Elle peut plus nous voir, pourtant on est dans le hall et dans le noir. Je veux faire le pacha en CLK, compresseur, le Boumara. Prépare des queues trues à chaque disque qui sort. J'aboie plus, je suis un pute qui mord. Y'a rien à faire d'autre à part traiter les forces de l'ordre. Y'a rien à faire d'autre, il plane une odeur de tagine. Tu parles de tout ce que t'aimes en ponctuant partie magie. Y'a rien à faire d'autre.